C'est-à-dire qu'ils se dirent entre eux, « Puisque vos compatriotes vous rejettent et vous isolent à cause de votre religion, et ils vous persécutent, et aussi vous n'êtes pas capables de les combattre, il ne vous reste plus qu'à fuir leurs méfaits en utilisant les causes vous permettant de le faire. Car ni ils n'ont la capacité de résister à leur oppression, ni de rester parmi eux alors qu'ils refusent de suivre leur religion. » Donc, ils se sont dit « Réfugiez-vous dans la caverne en y trouvant asile. » Et ils ont eu un bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'Allah étendra sur eux les effets de sa miséricorde et qu'il améliorera leur sort. Nous avons vu auparavant qu'ils ont dit dans le sens « Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. » Ils ont donc en cela réuni entre le désaveu de toute force et de toute puissance de leur part et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de l'amélioration de leur sort d'une autre part, et aussi ils ont eu la certitude en Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah est en mesure de faire cela, de les protéger et d'améliorer leur sort. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a entendu leur appel et il a étendu sur eux sa miséricorde et leur a accordé toute son attention, subhanahu wa ta'ala. Il a protégé leur foi, qui était d'ailleurs la chose la plus importante pour eux, et il a protégé aussi leur corps. En plus de cela, il a fait d'eux un signe pour ses créatures. Il leur a laissé une belle renommée, qui est un effet de sa miséricorde envers eux, et il leur a facilité tous les moyens et les causes, y compris le lieu où ils dormaient. C'est là le summum de l'attention et de la protection. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 17, puis dans le verset 18, dans le sens « On pouvait voir le soleil au lever s'écarter de leur caverne vers la droite » et au coucher, passer à leur gauche, tandis qu'ils demeuraient dans un endroit spacieux à l'intérieur. Ceci relève des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à celui qu'il égare, tu ne trouveras jamais aucun maître pour le guider. On les aurait cru éveillés alors qu'ils dormaient. Nous les tournions, tantôt sur le flanc droit, tantôt sur le flanc gauche, tandis que leurs chiens se tenaient à l'entrée, pattes étendues. Quiconque les aurait vus aurait pris la fuite, le cœur rempli d'effroi et de peur. » Donc Allah tabaraka ta'ala a réuni les causes pour préserver leur corps. Et subhanallah, quand on lit ces versets, les personnes qui connaissent la science de comment préserver les livres et les objets archéologiques très anciens savent qu'ils doivent être préservés à l'abri de la lumière, préservés de la chaleur, préservés d'un trop grand froid, d'un trop grand chaud. Ils doivent être dans un certain niveau d'humidité de l'air. Et subhanallah, Allah ta'ala, il a réuni toutes ces causes pour ces jeunes gens qui ont dormi 309 ans. Allah était capable de les préserver sans ces causes-là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala veut nous enseigner ses lois sur terre et les causes ainsi que leurs effets. Qu'Allah ta'ala a fait dans cette terre les causes et leurs effets, et que les effets sont attachés à leurs causes par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce soleil, Allah ta'ala les a protégés du soleil qui tantôt se levait à droite de leur caverne. Et quand ils se couchaient, ils passaient à gauche. Comme ça, ils n'étaient pas brûlés par la chaleur du soleil. Et ils étaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est-à-dire, ils n'étaient pas à l'étroit. Donc, il y avait, on va dire, une circulation d'air. Ils n'étaient pas à l'abri. Ils avaient, en même temps, ils étaient protégés des grands vents. Et en même temps, Il y avait de l'air et de la brise, et ils étaient à l'abri de toute nocivité, vu la longueur de leur séjour. Tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve son pouvoir et sa miséricorde envers eux, ainsi que son exaucement de leurs invocations et leur guidance, y compris dans ces circonstances spécifiques. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le sens ici, celui qu'Allah guide est dans la bonne voie et bien guidé, et celui qu'il égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir la guidée sinon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui subhanahu wa ta'ala le guide qui oriente et qui dirige dans l'intérêt des deux demeures, dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qu'il égare, personne ne pourra s'occuper de lui, ni lui montrer ce qui est dans son intérêt, ni le guider vers le bien et le salut. Car Allah a décrété l'égarement pour lui. Il l'a mérité, et rien ne s'oppose au décret d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si tu avais vu ces gens, ces jeunes gens, dans la caverne, tu les aurais crus éveillés alors qu'en réalité ils dormaient. C'est-à-dire, si tu les regardais, tu croirais qu'ils étaient éveillés. Les exégètes, les savants du tafsir, disent que probablement ils avaient les yeux ouverts pour préserver leurs yeux. Et que justement, les gens en entrant, s'ils les avaient vus les yeux ouverts, ils auraient cru éveillés. Aussi, Allah Ta'ala, il les retournait tantôt à gauche, tantôt à droite, pour ne pas que la terre mange et corrompe et ait une influence sur leur peau, sur leur corps. Et ceci est connu, même dans la médecine. Une personne qui est paralysée, on doit la faire bouger. On la fait bouger un peu à gauche, on la fait bouger un peu à droite. On ne la laisse pas toujours dans la même position. Subhanallah. Tout ceci est cité dans le Coran. Il y a 1400 ans, Allah Ta'ala montre les causes de préserver un corps. Puis il a parlé de leur chien. Un chien qui les a accompagnés, qui les a suivis. Ce chien était couché à l'entrée, les pattes allongées. C'est-à-dire que ce chien se trouvait avec eux et il fut soumis au même sommeil qu'eux, alors qu'il était là pour les garder. Il était couché à l'entrée de la caverne, les pattes allongées, ceci pour leur protection. Et Allah tabaraka ta'ala a fait aussi une autre cause pour les protéger. C'est qu'ils inspiraient la frayeur. C'est-à-dire que si tu les voyais ainsi, tu serais parti en courant de peur. Donc, ceci explique pourquoi ils ont pu rester toutes ces années alors qu'ils étaient proches de la ville, la caverne était proche de la ville, et que toutes ces années, ils sont restés sans que personne ne leur nuise. Car Allah avait décidé de les protéger. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, l'imam al-Qurtubi rapporte que Ibn Atiyya a dit « Si la compagnie des pieux a permis à ce simple chien de parvenir à ce rang élevé et d'être mentionné dans le livre d'Allah. Que penser donc des croyants monothéistes qui fréquentent et aiment les gens pieux ? Aussi, quand ils se sont réveillés, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 19 et 20 dans le sens de sa parole, tout comme nous les avons endormis, nous les avons réveillés afin qu'ils s'interrogent mutuellement l'un deux demanda « Combien de temps êtes-vous restés endormis ?» Certains répondirent « Nous sommes restés endormis un jour ou une partie de la journée. » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux que quiconque combien de temps vous êtes restés endormis. Laissez cela et envoyez plutôt l'un de vous en ville avec l'argent que voici pour chercher la meilleure nourriture. » Et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec précaution et n'informe personne vous concernant. S'ils vous découvraient, ils vous lapideraient et vous ramèneraient à leur religion, et plus jamais alors vous ne connaîtrez le succès, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Comme Allah les a endormis, Allah Ta'ala a décidé de les réveiller de leur long sommeil, pour leur permettre de s'interroger mutuellement sur la durée de leur séjour dans la caverne. C'est ainsi que l'un d'entre eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ? Une journée ou une partie de journée ?» Car effectivement, elles sont rentrées en début de journée, et quand elles se sont réveillées, c'était la fin de la journée. Ils ont cru qu'ils étaient restés une journée ou une partie de journée. Ceci est un doute, c'est-à-dire il émet une hypothèse. Comme s'il n'était pas sûr d'avoir trop longtemps dormi. C'est pour cela que les autres répondirent après cela, « Votre Seigneur le sait mieux que nous. » C'est-à-dire qu'ils ont attribué la connaissance de cela à Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la science embrasse et englobe toutes choses, dans la globalité et dans le détail. Il se peut qu'Allah leur ait fait connaître par la suite la durée de leur séjour, afin qu'ils s'interrogent mutuellement à ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'ils se sont interrogés à ce sujet et en ont parlé selon leur connaissance. Il est certain qu'il leur a donné la certitude sur la durée de leur séjour. Par conséquent, nous saurons sa sagesse dans leur réveil ainsi que le fait qu'il ne fait rien en vain. Parmi les formes de sa miséricorde envers celui qui cherche la connaissance de la vérité dans les choses censées être connues, en œuvrant en ce sens, Allah lui montre cela. C'est ainsi qu'il a dit après cela dans le sens, c'est ainsi que nous leur avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses d'Allah s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Si leur situation n'avait pas été rendue publique, il n'aurait jamais été une preuve de ce qui s'est passé. Après s'être interrogé, et une fois qu'il s'est passé entre eux ce qui a été rapporté par Allah subhanahu wa ta'ala, ils envoyèrent l'un d'entre eux avec les pièces de monnaie qu'ils avaient en leur possession, afin qu'ils leur achètent de la nourriture de la ville qu'ils avaient quittée. Ils lui demandèrent de leur choisir la plus pure et la plus agréable des nourritures, et de faire très attention en se déplaçant de façon à ne pas attirer l'attention sur eux. Ils citaient à la raison de leur prudence, à savoir qu'ils risquent deux choses. Soit la lapidation pour les tuer et étouffer dans l'œuf leur religion, soit l'exposition aux épreuves pour abjurer leur foi. Dans les deux cas, ils ne réussiront pas, mais perdront aussi bien leur religion, leur vie profane que leur vie future. Ces deux versets recèlent plusieurs avantages. Il y a entre autres l'incitation à la science et à la recherche en ce sens, car Allah les a réveillés pour qu'ils se questionnent et pour qu'ils atteignent cette connaissance. Il les a réveillés à cause de cela, et aussi pour informer les autres sur la science certaine de l'arrivée de l'heure et de la résurrection. Il y a aussi le fait que celui qui n'est pas sûr d'une chose doit l'attribuer à celui qui en a connaissance, et le fait de s'abstenir de transgresser ses limites. Subhanallah. Où est cette qualité aujourd'hui de dire Allahu A'lam, je ne sais pas. Tout le monde, tout ignorant, sait tout, débat sur tout, connaît tout, a un avis sur tout. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde qu'il est permis en islam que tout le monde parle. Avant l'apparition de ces réseaux et avant cette époque de corruption, ne parlaient en religion que les gens connus pour leur science. Il y a aussi la légalité de la procuration dans les ventes et les achats, ainsi que la légalité de la notion de la compagnie. C'est-à-dire, ils ont envoyé quelqu'un, ils l'ont procuré, ils lui ont donné procuration, ils l'ont délégué pour acheter à leur place. Ils l'ont mandaté. Il y a aussi la permission de consommer les choses agréables et des mets succulents lorsqu'on ne tombe pas dans le gaspillage interdit. Du fait que ces jeunes gens ont dit qu'il aille leur choisir la nourriture la plus pure, la meilleure. Ce qui montre qu'ils ont cherché des choses agréables. Et beaucoup d'exégètes se sont basés sur cette parole pour soutenir que ces jeunes gens étaient en réalité des fils de rois, dans la mesure où ils étaient habitués à manger des choses de qualité. Et ils ont demandé à leurs compagnons de leur apporter l'aliment le plus pur, le plus noble, que les riches et les nobles avaient l'habitude de consommer et de manger. Il y a également l'incitation à la prudence, à l'effacement et à l'éloignement des endroits de tentation contre la religion en utilisant la retenue et le secret pour se protéger et protéger ses frères dans la religion. Il y a aussi dans ces versets l'intensité du désir de ces jeunes gens pour la religion et leur fuite de toute tentation dans leur religion en abandonnant leur patrie par amour d'Allah, la hijra. Ils ont délaissé l'endroit qu'ils aimaient pour fuir avec leur religion. Il y a également la mention de ce que recèle le mal comme nuisance et préjudice incitant à le détester et à l'abandonner, ce qui est la ligne de conduite des croyants anciens ou nouveaux, en vertu de leurs paroles dans le sens « et vous ne parviendrez alors plus jamais à la félicité ». C'est-à-dire, si vous les suiviez dans leur égarement et vous abandonniez votre religion, vous n'atteindrez après cela plus jamais la réussite et la félicité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم